cinq ans ont passé. Mais la promesse n'a pas vieilli. Caleb se tient encore debout, avec le même feu dans l'esprit. À 85 ans, il dit, je suis encore aussi fort qu'avant. Car la force ne vient pas du corps, mais de la foi qui brûle au-dedans. Ce que Dieu promet ne dépérit jamais avec le temps. Donne-nous la foi de Caleb, qui ne se fatigue pas en chemin, qui attend l'heure de la promesse sans lâcher le fil de ta main. Donne-nous la foi de Caleb, qui croit même quand tout ralentit, car ce que tu promets aujourd'hui s'accomplira aussi dans l'avenir que tu écris. Il demande promesse attend la.